franceinter.fr. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est un autant en emporte l'histoire tout illuminé de Noël auquel je vous invite. Le joyeux Noël de François Morel et Nora Krief avec la malicieuse complicité de Charles Dickens. Telle Mary Poppins, je sortirai ce soir de mon sac tout ce qu'il faut. Un sapin, des guirlandes, des boules multicolores, des étoiles. Il y aura même, vous le sentez déjà, une oie bien dodue, rôtie à la sauge et à l'oignon. Et allez, pendant qu'on y est, un pudding flambé. Mais tout cela ne serait rien, absolument rien, si nous ne racontions une bonne histoire. Un chant de Noël de Charles Dickens. Une histoire qui, depuis ses débuts en 1843, n'a pas pris une ride. Chaque année d'ailleurs, les télévisions et les radios anglo-saxonnes la réinterprètent de mille manières, du plus classique au plus loufoque. Une histoire, comme on les aime, remplie de bons sentiments, d'humour et de fantômes. Londres au XIXe siècle, ses ruelles enneigées, ses enfants pauvres contemplant les friandises aux devantures des magasins. C'est là que vit le héros de Dickens, Ebenezer Scrooge, c'est son nom. Un homme froid comme la glace, obsédé par l'or et le gain, il n'aime personne. Si affreux que même les chiens d'aveugle changent de trottoir quand ils le croisent. Mais ce qui va lui arriver, ce soir de Noël, va bouleverser sa vie. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Et au fond du sac de Mary Poppins ou bien de la haute du Père Noël, comme on veut, j'ai même trouvé deux comédiens, deux merveilleux conteurs qui vont vous lire pour vous le chant de Noël de Dickens. François Morel, bonsoir. Bonsoir. Notre François Morel, bien-aimé de France Inter, qui nous enchante tous les vendredis matin dans sa chronique à 9h05. Et Nora Krief, bonsoir. Bonsoir. Comédienne de théâtre, surtout. Vous avez joué Molière, Shakespeare, Fedot avec les plus grands metteurs en scène. Vous êtes chanteuse aussi. Vous avez notamment créer un spectacle musical où vous chantez les sonnets de Shakespeare. Voilà, et les chansons de François Morel. Et aussi, oui, vous avez même chanté tous les deux, je crois, La tête ailleurs. J'avais écrit et Nora avait chanté. Alors, quand je vous ai demandé de lire le conte de Noël de Dickens, vous n'avez pas hésité, ça vous plaisait tout de suite l'idée ou... Ça m'a plu. Pour moi, c'est beau comme un film de Capra, où l'imaginaire et le social se mêlent. Un peu Lubitsch aussi. Ouais, aussi. Mais j'ai pensé à La vie est belle et à cet ange qui veut récupérer ses ailes. Et vous, Nora Krief ? Mais moi, j'aime beaucoup. Vous connaissez Charles Dickens ? Oui, je connaissais pas ce conte et je trouve fabuleux humainement et puis les rencontres et voilà, c'est le côté fantastique. Comme il n'y a pas de chant de Noël sans musique, on aura aussi avec nous deux chanteurs, Marion Gomard et Renaud Boutin, accompagnés au piano par Benjamin Laurent. Dans quelques minutes, vous êtes prêts, on sautera pieds joints dans le chant de Noël de Charles Dickens. Je suis le vampire de l'amour. Je dois embrasser tous les jours. Pour rester en vie chaque nuit. Je dois embrasser pour toujours. Vampire, vampire de l'amour, chaque nuit sous ta peau mon ombre se petit se divise, mon ombre je pars en confetti. Vampire, vampire de l'amour. Vampire, vampire de l'amour. Chaque nuit sous ta peau, mon ombre se petit, se divise. faut dire avant tout que Marley était mort. Là-dessus, pas de doute possible. Le registre mortuaire avait été signé par le pasteur, son clerc, l'entrepreneur des pompes funèbres et le principal deuilleur. Scrooge l'avait signé, et le nom de Scrooge était une garantie en bourse, quel que fût le papier qu'il lui plaisait d'endosser. Le vieux Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Attention, je ne veux pas insinuer par là que je sache, d'après ma propre expérience, ce qu'il y a de particulièrement mort dans un clou de porte. J'aurais été tenté, quant à moi, de considérer un clou de cercueil comme le morceau de ferraille le plus mort qui soit sur le marché. Mais la sagesse de nos ancêtres réside en cette image, et mes mains profanes n'iront pas l'y troubler, ou s'en est fait de ce pays. Permettez-moi donc de répéter avec emphase que Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Voilà 7 ans donc, Marley, l'associé de Scrooge, est mort. Au-dessus de la porte du magasin, l'enseigne indique toujours Scrooge et Marley. Mais il ne faut pas croire pour autant que Scrooge a été affecté par ce décès. Tout au contraire. Le jour de ses funérailles, Scrooge a même conclu un marché très avantageux pour lui. Scrooge, vous allez voir, est un bien étrange bonhomme. Dur et tranchant comme le silex. Un silex dont jamais acier ne fit jaillir une étincelle généreuse, secret, renfermé et aussi solitaire qu'une huître. Le froid qui l'habitait glaçait les traits de son vieux visage, pinçait son nez pointu, fripait sa joue, rendait sa démarche roide, ses yeux rouges, ses minces lèvres bleues, et s'exhalait en âpreté dans sa voix grinçante. Personne ne l'arrêtait jamais dans la rue pour lui dire d'un air joyeux « Mon cher Scrooge, comment allez-vous? Quand viendrez-vous me voir ?» Aucun mendiant n'implorait de lui la plus petite aumône. Mais qu'importait à Scrooge? C'était précisément cela qui lui plaisait, se faufiler le long des chemins de la vie qu'encombrent ses semblables en faisant savoir à toute sympathie humaine qu'elle devait se tenir à distance. Un jour, et parmi tous les bons jours de l'année, la veille de Noël, le vieux Scrooge était en train de travailler, assis à son bureau. Il faisait un froid noir, glacial, pénétrant, avec du brouillard par-dessus le marché. 3 heures venaient de sonner aux horloges de la cité, mais il faisait déjà complètement nuit. Le brouillard pénétrait à flots par toutes les fentes et tous les trous de serrure, et il était si épais en dehors que les maisons d'en face avaient pris l'aspect de fantômes. Joyeux Noël, mon oncle, et que Dieu vous ait en sa garde! C'était le neveu de Scrooge qui venait d'entrer. Bah! Grogna Scrooge. Sornette! Des sornettes, Noël? Mon oncle! Dit le neveu de Scrooge. Vous ne parlez pas sérieusement? Si fait, dit Scrooge. Joyeux Noël, quel droit avez-vous d'être joyeux? Quelle raison avez-vous d'être joyeux? Allons, mon oncle! Répliqua le neveu gaiement. « Quel droit avez-vous d'être maussade? Quelle raison avez-vous d'être sombre ?»« Joyeux Noël! Au diable, votre joyeux Noël !»« Si je pouvais agir à ma guise, » poursuivit Scrooge avec indignation, « tous les imbéciles qui parcourent la ville en criant « Joyeux Noël » seraient mis à bouillir avec leur poudine qui est enterrée avec une branche de houx plantée dans le cœur. Voilà !» Le neveu de Scrooge propose à son oncle de venir fêter Noël chez lui et sa femme. Mais Scrooge refuse, sans même lui souhaiter un bon Noël. Sornette ! À peine le neveu est-il sorti, que 2 messieurs se présentent devant Scrooge, le chapeau à la main. En cette époque de l'année dédiée à la joie, commença l'un d'eux, il est plus désirable encore qu'en temps ordinaire de recueillir quelques obols pour les pauvres et les nécessiteux qui souffrent cruellement des rigueurs de la saison. Bien des milliers manquent du strict nécessaire. Des centaines de milliers ignorent le plus modeste confort, monsieur. N'y a-t-il pas de prison ? Demanda Scrooge. Un grand nombre de prisons, dit le gentleman. Et les asiles et hospices des paroisses, demanda Scrooge, ont-ils été fermés ? Non pas. Je voudrais pouvoir dire qu'ils l'ont été. Oh, J'avais craint, d'après ce que vous me disiez au début, que quelques circonstances fâcheuses n'eût entravé la bonne marche de ces utiles institutions, dit Scrooge. Je suis enchanté d'apprendre qu'il n'en est rien. Malgré cela, quelques-uns d'entre nous s'efforcent de réunir des fonds destinés à donner aux pauvres nourriture et boissons, ainsi que le moyen de se chauffer. Pour quelle somme dois-je vous inscrire ? Pour rien, répliqua Scrooge. Vous désirez demeurer anonyme ? Je désire qu'on me laisse en paix. Les pauvres n'ont qu'à entrer à l'hospice. Beaucoup ne le peuvent pas et beaucoup préféreraient mourir. S'ils préfèrent mourir, dit Scrooge, qu'ils le fassent. Cela diminuera l'excédent de la population. Bonsoir, messieurs. Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois, un gros bonhomme de neige poursuivi par le froid. Il arrive au village, il arrive au village, voyant de la lumière, le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Et pour se réchauffer, et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge et d'un coup disparaît. Ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau, ne laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau. Mais Scrooge ne s'arrête pas là. Alors que dehors le brouillard s'épaissit et que le froid se fait plus intense, Scrooge menace d'un coup de règle un jeune homme qui ose chanter des chants de Noël devant sa porte. Ensuite, quand arrive enfin l'heure de fermer le magasin, Scrooge, à contre-cœur, accorde sa journée de Noël à son commis, M. Cratchit. Non sans lui avoir précisé que cette journée allait lui coûter très cher et qu'il avait intérêt le lendemain à arriver plus tôt que d'habitude. Le chant de Noël de Charles Dickens sur France Inter, Stéphanie Duncan. Scrooge ferme sa boutique, va dîner tout seul, un dîner mélancolique dans sa mélancolique taverne habituelle. Satisfait de ne pas s'être laissé gagner par la gaieté générale de cette soirée de Noël, il rentre chez lui. Comment est sa maison ? Colorée et joyeuse ? Bien sûr que non. Un bâtiment sombre dans une impasse sombre. Mais contrairement à ce qu'il croit en empruntant l'impasse, cette nuit de Noël qui commence va être longue et spéciale, très spéciale, spectaculaire même. La cour était si sombre que Scrooge lui-même, qui en connaissait le moindre pavé, fut obligé de tâtonner pour se diriger. Le brouillard et la glace s'étaient accrochés de telle sorte au vieux porche noir de la maison qu'on y croyait voir le génie de l'hiver assis sur le seuil et plongé dans une morne méditation. Or, il est certain que le marteau de la porte n'avait absolument rien de spécial, sauf qu'il était très gros. Il est certain aussi que Scrooge l'avait vu matin et soir tous les jours depuis qu'il habitait cette maison. Il est non moins certain que Scrooge possédait aussi peu de ce qu'il est convenu d'appeler imagination que tout autre habitant de la cité de Londres. Qu'on m'explique alors, si on peut, comment il advint que Scrooge, ayant introduit sa clé dans la serrure, vit dans le marteau de porte, sans qu'une métamorphose graduelle l'y eût préparé, non plus un marteau, mais le visage de Marley, son ancien associé. Le visage de Marley. Il ne baignait pas, ainsi que tous les autres objets de la cour, dans une ombre impénétrable, mais s'entourait d'une phosphorescence sinistre comme un homard avarié dans une cave obscure. Il n'était ni furieux ni féroce. Il regardait Scrooge avec l'expression habituelle de Marley et portait des spectres de lunettes relevés sur son front de spectre. Ses cheveux étaient bizarrement agités comme par une haleine ou par des vibrations d'air chaud. Et bien que ses yeux fussent grands ouverts, ils étaient absolument immobiles. Ce détail et sa couleur livide en faisaient un objet d'horreur. Mais cette horreur semblait extérieure au visage et hors de son contrôle, plutôt qu'elle n'appartenait à son expression elle-même. Pendant que Scrooge considérait fixement ce phénomène, le marteau redevint un marteau. Dire qu'il ne tressaillit pas ou qu'il ne sentit pas courir dans ses veines certaines sensations d'effroi qu'il n'avait pas éprouvées depuis sa petite enfance serait mentir. Mais il remit la main sur sa clé qu'il avait lâchée, la fit tourner avec énergie, entra et alluma sa bougie. Vous l'avez compris, Scrooge n'est pas du genre à se laisser impressionner et encore moins à croire aux fantômes. Tout à fait rassuré, après avoir quand même fermé la porte à double tour, ce qui n'est pas son habitude, Scrooge ôte sa cravate, revêt sa robe de chambre, ses pantoufles et son bonnet de nuit. Eh oui, il a un bonnet de nuit. Puis il s'assoit devant le feu pour boire sa tisane de gruau. Lorsque soudain... Cela ne dura peut-être qu'une demi-minute ou une minute, mais Scrooge eut l'impression que c'était une heure. Les cloches cessèrent de sonner comme elles avaient commencé, toutes en même temps. Elles furent suivies d'un bruit de ferraille montant des profondeurs de la maison, comme si quelqu'un traînait une lourde chaîne sur les tonneaux du marchand de vin. Scrooge se souvint alors d'avoir entendu dire que, dans les maisons hantées, les fantômes traînaient des chaînes. La porte de la cave s'ouvrit brusquement avec un grand fracas et Scrooge perçut ce bruit de plus en plus distinctement au rez-de-chaussée d'abord, puis montant l'escalier, enfin se dirigeant droit vers sa porte. « Sornette aussi que cela !» dit Scrooge. « Je ne veux pas y croire !» Il changea pourtant de couleur quand, sans s'être arrêté, cela traversa la lourde porte et pénétra dans la pièce sous ses yeux. Le même visage, exactement le même, Marley, avec sa perruque à queue de rat, son gilet habituel, sa culotte collante et ses bottes, les glands de ses lacets, la queue de sa perruque, les basques de son habit, les cheveux qui couvraient sa tête se dressaient roides autour de lui. La chaîne qu'il traînait lui entourait la taille. Elle était longue et se déroulait comme une queue. Et elle était faite, car Scrooge l'observa de près, de coffres-forts, de clés, de cadenas et de pesantes bourses forgées dans l'acier. Non. Et même à ce moment-là, Scrooge refusait d'y croire. Il demeurait incrédule et luttait contre le témoignage de ses sens. « Eh bien, » dit Scrooge, plus caustique et plus froid que jamais. « Comme voulez-vous ?»« Beaucoup de choses. » De la voix de Marley, sans erreur. Qui êtes-vous ? Demandez-moi qui j'étais. Bon, disons qui étiez-vous, vous êtes bien tatillon pour une ombre. De mon vivant, j'étais votre associé, Jacob Marley. Pouvez-vous vous asseoir ? Demanda Scrooge en le regardant d'un air sceptique. Je le puis. Alors asseyez-vous. Vous ne croyez pas en moi ? Non ! Répondit Scrooge. À ce mot, le spectre poussa un cri épouvantable et secoua sa chaîne en faisant un bruit si lugubre et si menaçant que Scrooge dut se cramponner à son fauteuil pour se retenir de tomber évanoui. « Pitié ! » s'écria-t-il. « Pitié ! Apparition terrible ! Pourquoi viens-tu me tourmenter ?»« Je suis ici ce soir pour t'avertir qu'il te reste encore une chance, un espoir d'échapper à mon sort. » Tu as toujours été pour moi un bon ami, dit Scrooge. Merci beaucoup. Tu vas être hanté par trois esprits. Le visage de Scrooge s'allongea presque autant que l'avait fait celui du fantôme. Est-ce la chance, l'espoir dont tu viens de me parler, Jacob ? Demanda-t-il d'une voix qui se brisait. Oui. Je crois j'aimerais mieux m'en passer. Sans leur visite, ajouta le fantôme, aucun espoir pour toi d'éviter le sort qui est le mien. Attends-toi à voir le premier demain. Quand une heure sonnera. Mais pourrais-je les avoir tous les trois d'un seul coup et que ce soit fini, Jacob, suggéra Scrooge. Attends le second la nuit suivante, à la même heure. Le troisième viendra la troisième nuit, quand aura cessé de vibrer le dernier coup de minuit. Ne compte pas me revoir, mais aie grand soin dans ton intérêt de n'oublier rien de ce qui vient de se passer entre nous. À ces mots, le spectre ouvrit la fenêtre et disparut dans la nuit. Scrooge referma la fenêtre et essaya de dire « sornette », mais ne put dépasser la première syllabe. épuisé de tant d'émotions, il alla droit se mettre au lit sans se déshabiller et s'endormit aussitôt. Mais demain, la prophétie du spectre allait-elle se réaliser? Lorsque Scrooge se réveille, il ne comprend rien. Lui qui pensait avoir dormi une nuit entière entend les cloches de l'église sonner les 12 coups de minuit. Et il se rappelle l'avertissement du fantôme. Un esprit doit le visiter sur le coup d'une heure. Était-ce ou n'était-ce pas un rêve? À l'instant précis où la cloche sonne une heure... Une vive lueur inonda aussitôt la chambre et les rideaux de son lit furent tirés. Par une main. Dans un sursaut, Scrooge s'assit à moitié et se trouva face à face avec le visiteur surnaturel qui venait de les écarter. Aussi près de lui que je suis près de vous en ce moment. C'était un personnage étrange. Un enfant, et qui pourtant ressemblait moins à un enfant qu'à un vieillard vu à travers quelque élément surnaturel qui lui donnait l'air de s'être éloigné au point de n'avoir plus que la taille d'un enfant. « Monsieur, demanda Scrooge, êtes-vous l'esprit dont la venue me fut annoncée ?»« C'est moi. Je suis le fantôme des Noëls passés. »« Passé depuis longtemps ?» demanda Scrooge. « Non. De ton propre passé. Je suis ici pour ton bien. Lève-toi. » Et viens. En vain, Scrooge aurait-il allégué que le temps et l'heure se prêtaient mal au plaisir de la promenade, que son lit était chaud et le thermomètre fort au-dessous de zéro, qu'il n'était que légèrement vêtu en robe de chambre, pantoufles et bonnet de nuit, et que, justement, il avait un rhume. L'étreinte de cette main, aussi douce pourtant que celle d'une femme, était irrésistible. Il se leva, mais... S'apercevant que l'esprit se dirigeait vers la fenêtre, il s'accrocha à sa robe en le suppliant. « Je ne suis qu'un mortel exposé à tomber !» Tandis qu'ils parlaient, ils avaient traversé la muraille. Ce soir, dans « Autant on emporte l'histoire » sur France Inter, le chant de Noël de Charles Dickens. En l'espace d'un instant, le fantôme entraîne Scrooge loin de sa chambre, dans un voyage dans les Noëls de son passé. D'abord, au village où il est né, il revoit une scène de son enfance. Alors que dehors, une bande d'enfants insouciants s'amuse dans la neige, un petit garçon passe Noël tout seul au pensionnat. Scrooge, alors, pleure de revoir le pauvre enfant oublié qu'il a été. L'esprit l'emporte ensuite dans un autre Noël de son passé. Un souvenir heureux cette fois, quand il était jeune homme, dans le magasin où il était apprenti, chez Monsieur Fezziwig, un vieux monsieur tout rond et très jovial. Quelle n'est donc sa surprise de le retrouver en franchissant la porte du magasin. Mais c'est le vieux Fezziwig ! Dieu le bénisse, le vieux Fezziwig ressuscité ! Le vieux Fezziwig posa sa plume et regarda la pendule qui marquait 7 heures. Il se frotta les mains, rajusta son vaste gilet en riant de toute sa personne, depuis les chaussures jusqu'au sommet de la tête, où se trouve le siège de la bénévolence, et appela d'une bonne voix sonore, onctueuse, généreuse et joviale. « Hé là-haut, Ebenezer, Dick !» Le Scrooge d'autrefois, devenu un jeune homme, entra d'un pas leste, accompagné de son camarade d'apprentissage, Dick Wilkins. Allons, mes garçons, dit Fezziwig. Assez travaillé pour aujourd'hui. Veille de Noël, Ebenezer. Débarrassez tout, les gars, et faites-nous beaucoup de places libres. Cela se fit en un tournement. Tout ce qui était transportable fut déménagé. Le sol fut balayé et arrosé, les lampes fourbies et garnies, le charbon entassé sur le feu. Et quand ce fut fini, l'on eût pu souhaiter salle de bal plus chaude, plus sèche, plus brillante et plus agréable par un soir d'hiver que ce magasin. Entra un violoneux avec son livre de musique, il escalada le haut pupitre, en fit un orchestre et accorda son instrument en produisant le vacarme de 50 embarras gastriques. Entra Madame Fezziwig, toute souriante et bien en chair. Entrèrent les trois demoiselles Fezziwig, radieuses et faites pour plaire. Entrèrent les six jeunes galants dont elle brisait le cœur. Entrèrent tous les jeunes hommes et toutes les jeunes femmes qui travaillaient dans l'affaire. Entra la chambrière, accompagnée de son cousin le boulanger. Entra la cuisinière, flanquée de l'ami intime de son frère le laitier. Entra le petit domestique d'en face, qu'on soupçonnait de ne pas manger à sa faim chez son maître. Ils entrèrent tous n'importe comment et de toutes les manières, et ils se mirent à danser, 20 couples à la fois. Il y eut d'autres danses et l'on joua au gage, puis d'autres danses et l'on servit du gâteau et l'on servit du punch. Mais le clou de la soirée, ce fut après le rôti et le bouilli, quand le violoneux attaqua l'air de Sir Roger de Coverley. Alors, le vieux Fezziwig se leva pour conduire la danse avec Madame Fezziwig. Une véritable lumière semblait irradier des mollets de Monsieur Fezziwig. On les voyait briller dans toutes les figures de la danse comme deux lunes. Quand 11 heures sonnèrent à la pendule, ce bal de famille prit fin. Monsieur et Madame Fezziwig allèrent se placer de chaque côté de la porte et, serrant personnellement la main des invités, hommes ou femmes, leur souhaitèrent à tous un joyeux Noël. I'm at my love by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town. Dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town. Dirty old town. Pendant toute cette scène, Scrooge s'était comporté comme s'il avait perdu la tête. Son cœur et son âme avaient pris part aux réjouissances avec son autre lui-même. Il reconnaissait tout, se rappelait tout, s'amusait de tout et était en proie à la plus étrange émotion. Il sentit peser sur lui le regard de l'esprit et se tut. « Qui est-il ? » demanda le fantôme. « Rien de particulier, » dit Scrooge. « Je crois pourtant qu'il y a quelque chose, » insista l'esprit. « Non, » dit Scrooge, « non. J'aimerais pouvoir dire un mot ou deux à mon commis en ce moment, c'est tout. » Eh oui, Monsieur Scrooge, qui, quand il était commis, avait été si bien traité par Monsieur Fezziwig, ne peut s'empêcher de penser à son commis, Monsieur Cratchit, à qui il a si mal parlé le soir de Noël. I heard a siren from the docks. Saw a train set the night on fire. I smelled the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. Le chant de Noël de Charles Dickens sur France Inter, Stéphanie Duncan. Lors de ce voyage dans les Noëls de son passé, Scrooge va aussi retrouver une jeune fille qu'il aimait quand il était jeune et pauvre, mais qu'il avait quittée parce que, dit-elle, Scrooge préférait l'or à l'amour. Ébranlé par tous ses souvenirs, Scrooge implore le fantôme de le ramener fissa chez lui. Il n'en peut plus. Mais bien sûr, à peine est-il endormi que, comme prévu, un deuxième fantôme vient lui rendre visite. L'esprit du Noël présent, qui lui apparaît sous la forme d'un joyeux génie, trônant sur une invraisemblable mais appétissante pyramide de saucisses, de dindes rôties, de cochons de lait et de pudding de Noël. « Esprit, dit Scrooge avec soumission, conduisez-moi où vous voudrez. Je me suis promené la nuit dernière malgré moi et j'ai reçu une leçon qui commence à porter ses fruits. Si vous avez ce soir quelque chose à m'enseigner, je veux en faire mon profit. »« Touche ma robe !» Scrooge fit ce qu'on lui disait, et saisit la robe d'une main ferme. Et encore une fois, voilà Scrooge transporté loin de son lit douillet dans le temps présent. C'est le soir de Noël. Il règne partout un air de liesse. Les cloches sonnent, les gens se lancent des boules de neige, les magasins débordent de victuailles. Scrooge et le fantôme s'arrêtent devant une pauvre maison, celle où vit son commis, M. Bob Cratchit, avec sa femme et ses enfants, dont le petit dernier, surnommé Tiny Tim, petit Tim, malade, marche avec des béquilles. Enfin, la famille passe à table. L'oie rôtie que vient d'apporter Mme Cratchit n'est pas bien grosse pour autant de convives. Mais elle est belle et elle sent bon la sauge et l'oignon. Jamais l'on ne vit pareille oie. Bob déclara qu'il ne croyait pas qu'on en eût jamais fait cuire de telle. Sa chair tendre, son goût exquis, sa grosseur et la modicité de son prix furent les thèmes de l'admiration universelle. En y ajoutant la compote de pommes et la purée, ce fut un dîner suffisant pour toute la famille. Et même, comme le fit remarquer Madame Cratchit, avec beaucoup de joie, l'œil fixé sur un atome d'os qui restait dans le plat, il n'avait pas tout mangé. Pourtant, chacun en avait eu assez, et les plus jeunes Cratchit, en particulier, étaient barbouillés de sauge et d'oignons jusqu'aux yeux. Madame Cratchit quitta la pièce afin de démouler le pudding et de l'apporter sur la table. Et s'il n'était pas assez cuit? Et s'il allait se casser quand elle le démoulerait? Et si quelqu'un était passé par-dessus le mur de la courette et l'avait volé pendant qu'il se régalait d'oie? À cette dernière supposition, les deux jeunes Cratchit devinrent blêmes. Toutes sortes d'horreurs furent supposées. Une minute après, Madame Cratchit faisait son entrée, le visage rouge mais souriant d'un air fier, portant le pudding semblable à un boulet de canon moucheté, dur et ferme à souhait, imbibé d'un quart de pinte d'eau de vie enflammée et adorné d'une branche de houx plantée à son sommet en l'honneur de Noël. Bob leva son verre. « Joyeux Noël à tous, mes chéris. Que Dieu nous bénisse. »« Dieu nous bénisse tous !» dit Tiny Tim. Il était assis sur son petit tabouret, très près de son père. Bob tenait sa menotte flétrie dans la sienne, comme s'il aimait l'enfant d'une tendresse spéciale et désirait le garder à ses côtés de peur qu'il ne lui fût ravi. Esprit, dit Scrooge avec un intérêt qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, dites-moi si Tiny Tim vivra. Je vois une place vacante au coin du pauvre foyer, répondit l'esprit, et une béquille sans propriétaire, conservée comme une relique. Si l'avenir ne change rien à ces ombres, cet enfant va mourir. Non, non, dit Scrooge. Oh non, bon esprit, dites qu'il sera épargné. Et puis après, s'il doit mourir, qu'il le fasse cela diminuera l'excédent de population. Scrooge inclina la tête, accablé de remords et de tristesse, en entendant l'esprit citer ces paroles. « Ô homme, dit l'esprit, si tu as un cœur d'homme et non un cœur de pierre, cesse d'employer cet hypocrite jargon jusqu'à ce que tu aies découvert ce qu'est ce surplus et où il est. Vas-tu décider quels êtres doivent vivre et quels êtres doivent mourir ? Il se peut qu'aux yeux du ciel tu sois moins précieux et moins digne de vivre que des millions d'êtres semblables à l'enfant de ce pauvre homme. » Tout tremblant, Scrooge subit la réprimande de l'esprit, les yeux baissés. Le chant de Noël de Charles Dickens avec Nora Krief et François Morel. Troisième et dernier fantôme qui va se présenter à Scrooge, c'est l'esprit des Noëls à venir. Il emmène Scrooge auprès de deux marchands de la City qui discutent avec beaucoup d'indifférence du décès d'un des leurs. Ensuite, auprès d'un jeune couple pauvre qui ne peut s'empêcher de se réjouir de la mort de celui envers qui ils avaient une dette. Le fantôme emmène ensuite Scrooge dans la demeure de ce prêteur sur gage qui vient de mourir. Scrooge, terrifié, hésite à soulever le linceul qui recouvre le cadavre, de peur de se reconnaître. Mais c'est au cimetière qu'il va se confronter à son avenir. Debout parmi les tombes, l'esprit en désignait une. Scrooge s'en approcha en tremblant. « Avant que je m'approche de la pierre que vous me désignez, dit Scrooge, répondez à cette seule question. Ces ombres sont-elles l'image de ce qui doit arriver sans rémission ou de ce qui arrivera peut-être ?» Pour toute réponse, l'esprit abaissa son doigt vers la tombe près de laquelle il se tenait. Les actions des hommes font prévoir certaines fins, et s'ils persévèrent dans leur conduite, ils ne peuvent éviter cette fin. Mais s'ils changent de conduite, dit Scrooge, la fin change. Dites-moi qu'il en est ainsi pour les scènes que vous me montrez. L'esprit demeurait immuable. Scrooge se glissa jusqu'à lui en tremblant, et suivant la direction du doigt, lut sur la pierre de la tombe abandonnée son propre nom, Ebenezer Scrooge. « Esprit !» s'écria-t-il en s'accrochant à sa robe. « Écoutez-moi, pourquoi me montrer ces choses s'il ne me reste plus d'espoir de salut ? Assurez-moi qu'en changeant de vie, je puis encore changer les images que vous m'avez montrées. » La main trembla avec bienveillance. « J'honorerai Noël du fond de mon cœur et je m'appliquerai à en entretenir le culte toute l'année. Dites-moi qu'il m'est encore possible d'effacer l'inscription gravée sur cette pierre. » Les mains levées pour le supplier une fois encore de changer sa destinée, il vit une métamorphose se produire dans le capuchon et la robe du fantôme qui diminuait de taille, s'affaissa, s'amenuisa, jusqu'à n'être plus qu'une colonne de lit. Vous pouvez imaginer la joie qu'éprouva Ebenezer Scrooge en se réveillant le matin et en découvrant qu'il était vivant. Oui, bien vivant. Il ouvrit la fenêtre et sous le soleil magnifique, il demanda à un enfant dans la rue. « Quel jour sommes-nous, mon beau petit gars ?»« Aujourd'hui, » répliqua l'enfant, « mais c'est Noël !»« Le jour de Noël, » se dit Scrooge. « Je ne l'ai donc pas manqué. Connais-tu la boutique du marchand de volailles à deux rues d'ici au coin ?» demanda Scrooge. « Naturellement que je la connais !»« Très intelligent, ce petit, » dit Scrooge, « d'une intelligence remarquable. Sais-tu s'ils ont vendu la dinde primée qui était suspendue à l'aventure ? Pas la petite dinde primée, la grosse !»« Celle qui est grosse comme moi ?» demanda l'enfant. « Quel charmant petit garçon, » dit Scrooge. « C'est un plaisir de bavarder avec lui. Oui, mon petit !»« Elle y est encore ?»« Vrai ? Eh bien, tu vas l'acheter !» « Vous me faites marcher !» s'écria l'enfant. « Non, non, » dit Scrooge, « je parle sérieusement. Va l'acheter et dis-leur de me l'apporter ici pour que je leur explique où ils devront la livrer. Reviens avec le vendeur et je te donne un shilling. Reviens avec lui en moins de 5 minutes et je t'en donne 3 !» L'enfant partit comme une flèche. « Je vais envoyer cette dinde chez Bob Cratchit !» chuchota Scrooge en se frottant les mains et en riant aux larmes. Scrooge se met sur son 31 et s'en va dans la rue. Sa mine est si joviale que tous les passants lui souhaitent joyeux Noël. Soudain, Scrooge croise un des messieurs qui était venu la veille lui demander de l'argent pour les pauvres et qu'il avait envoyé au diable. « Mon cher monsieur, » dit Scrooge en pressant le pas pour saisir les deux mains du monsieur dans les siennes, « comment allez-vous ? J'espère que votre journée d'hiver a été fructueuse. Vous faites une bonne œuvre. Joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël !»« Monsieur Scrooge ?»« Oui, » dit Scrooge, « c'est mon nom et je crains qu'il ne vous soit pas très agréable. Permettez que je vous fasse mes excuses et voulez-vous avoir la complaisance ?» Scrooge lui murmura quelque chose à l'oreille. « Mon cher monsieur Scrooge !» s'écria le monsieur d'un air suffoqué. « Parlez-vous sérieusement ?»« Je vous en prie, » répliqua Scrooge, « pas un liard de moins. Cette somme couvre bien des paiements en retard, je vous assure. Voulez-vous me faire cette grâce ?»« Mon cher monsieur, » dit l'autre en lui serrant la main, « je ne sais comment répondre à tant de... » »« Ne dites rien, vous m'obligerez, » interrompit Scrooge. « Venez me voir un de ces jours, voulez-vous venir me voir ?»« Volontiers, » s'écria le vieux monsieur. Et il était clair qu'il parlait sincèrement. « Merci, » dit Scrooge, « je vous suis très reconnaissant. Je vous remercie 100 fois. » Scrooge se rend ensuite chez son neveu à qui il avait refusé de souhaiter un joyeux Noël et de le fêter avec lui. « C'est moi, ton oncle Scrooge. Je suis venu dîner avec vous. Puis-je entrer, Fred ?» Pouvait-il entrer ? Peu s'en fallut qu'il ne lui arrachât le bras en lui serrant la main. Scrooge se sentit chez lui au bout de 5 minutes. Nul accueil ne pouvait être plus cordial. « There's magic in the air this evening, magic in the air. The world is at her best, you know, when people love and care. The promise of excitement is one the night will keep. After all, there's only one more sleep till Christmas. » Et le lendemain matin, quand Scrooge arrive de bonne heure à son bureau, il fait semblant de houspiller son commis, Bob Cratchit, à cause de son retard. Bob est à deux doigts de saisir la règle du bureau et d'assommer son patron, lorsque celui-ci s'écria « Joyeux Noël, Bob! Un plus joyeux Noël, Bob, mon brave garçon, que je ne vous l'ai souhaité depuis de trop nombreuses années. Je vous augmente et je vais m'efforcer d'aider votre laborieuse famille. Nous discuterons de vos affaires cet après-midi même, tout en buvant un bol de Bishop fumant en l'honneur de Noël. Remplissez les grilles, Bob, et courez acheter un deuxième seau à charbon avant de mettre un autre point sur un nid. » Scrooge tint parole et fit plus encore qu'il n'avait promis. Il fit tout cela, dis-je, et davantage. Pour Tiny Tim, qui ne mourut pas, il fut un second père. Il devint un aussi bon ami, un aussi bon maître, un aussi bon homme qu'il serait possible d'en trouver un dans la bonne vieille cité de Londres, ou dans n'importe quelle autre bonne vieille cité, n'importe quelle ville ou bourgade de ce bon vieux monde. Certaines gens rirent de voir le changement qui était survenu en lui, mais il les laissa rire et ne s'en soucia guère. Car il était assez sage pour savoir que rien de bon ne se produit jamais sur ce globe dont certaines gens n'aient pas ri au début tout leur sou. Et sachant que ces gens seraient aveugles quoi qu'il arrive, il trouvait qu'il valait mieux que leurs yeux fussent plissés à force de rire plutôt que du fait d'une maladie moins attrayante. Lui-même riait jusqu'au fond de son cœur. Il n'en demandait pas davantage. Et voilà comment se termine un chant de Noël de Charles Dickens, lu par François Morel et Nora Krief. Nice story, Mr. Dickens. Oh, thanks. If you like this, you should read the book. L'histoire sur France Inter. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero Working Class Hero, la chanson de John Lennon, interprétée ici par Marianne Faithfull dans Autant en emporte l'histoire sur France Inter. En François Morel, Nora Krief, merci beaucoup pour ce conte de Noël de Dickens que vous venez de nous lire. Une histoire, je l'ai dit, pleine de bons sentiments, d'humour, de fantômes. Pourquoi, selon vous, cette histoire nous parle encore aujourd'hui des messieurs Scrooge? Il y en a encore? Vous en connaissez? Je crois qu'il y en a, oui. Bon, je crois qu'on a tous un Scrooge en nous et quelqu'un d'un peu plus heureux, ouvert et généreux. Ouais, on a besoin d'esprits qui viennent nous le dire, des fantômes. On a besoin des poètes pour nous le dire et nous le rappeler. L'esprit de Noël, ça existe? C'est pas un peu naïf de penser à l'esprit de Noël? C'est quelque chose qui vous parle, malgré tout, Nora? C'est étrange, Noël, en fait, parce que à chaque fois qu'on rencontre des amis ou des gens, ils disent toujours qu'ils sont très anxieux avec l'arrivée de Noël, les fêtes, parce que c'est les familles et tout ça. Et puis, en fait, c'est un moment, mais comme n'importe quel autre moment, où on peut se dire simplement de pouvoir être attentif aux autres, comme ça. C'est pas de bonnes intentions, mais c'est juste de se dire qu'on est là en ce moment, quoi. Enfin, je sais pas. François Morel. Merci, joyeux Noël. Merci beaucoup, François Morel. Merci aussi beaucoup, Nora Krief. Et joyeux Noël à tous. Autant en emporte l'histoire était réalisé par The Excellent Antoine Dabrowski, grand amoureux de Dickens, assisté de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Pierre-Yves de Rolin. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires. Le chant de Noël de Charles Dickens est disponible chez Gallimard en collection Folio Plus et en beau livre chez Gallimard Jeunesse. Pour les musiques, vous avez pu entendre Vampire de l'amour de Dionysos, Balulalo et La Noël passée de Benjamin Breton, Chanson pour les enfants d'hiver de Cosma et Prévert et Le Noël des oiseaux de Cécile Chaminade, des chants interprétés spécialement pour nous par les chanteurs Marion Gomard et Renaud Boutin avec au piano Benjamin Laurent. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire du vol de la Joconde. C'était en 1911, quand un poète fut accusé du vol, un certain Guillaume Apollinaire. Un texte de Jean-Yves Namour. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée à tous et très bon Noël bientôt.